le resto près du chapiteau qui empêchait les musiciens de faire leur show va fermer ses portes. Mort le resto en panne, plus âme qui vive pour s'empiffrer. Pourtant, il avait mis la dose. Il y avait plein de gras et plein de sauce. Les clients attendaient anxieux de savoir s'il y aurait assez de maillots. Mais un jour, dans le grand resto, un petit bonhomme tout simple a sorti de sa poche devant une petite fille une petite rose. Miracle, spectacle, des fleurs, des fruits à savourer. Depuis, on a retrouvé les chemins des parfums et des forêts. On profite des parfums de la flore en écoutant la musique au dehors.